Chapitre 38e. Préceptes et pratiques. Les lettres des personnages d'une histoire viennent merveilleusement au secours de leur biographe. Ce chapitre en contiendra deux ou trois. Mrs. Gresham à Lady Amelia de Courcy, Greshamsbury House, juin 1850 et quelques. Ma chère Amelia, je désire vous consulter sur une affaire qui, ainsi que vous le verrez, est de la plus grande importance. Vous savez quelle confiance je place dans votre jugement et dans votre appréciation des convenances. Je vous écris donc avant de parler de cette affaire à âme qui vive, pas même à maman, car quoique son jugement soit excellent aussi, elle a tant de préoccupations et de soucis qu'il est assez naturel qu'elle se laisse aller à des influences étrangères quand il s'agit du bonheur de ses enfants. Vous savez que M. Mortimer Gazebee est ici depuis près de deux mois. Il est chargé d'arranger les affaires de papa, et maman, qui l'aime beaucoup, dit que c'est un homme très entendu. Vous savez que c'est le plus jeune associé de l'ancienne maison Gumption, Gazebee et Gazebee, qui, me dit-on, ne se charge que de la gérance des affaires des plus hauts personnages, tels que pairs ou membres éminents de la Chambre des communes. Je me suis bien vite aperçu, chère Amelia, que M. Gazebee avait pour moi plus que des égards ordinaires, et j'ai aussitôt mis beaucoup de circonspection dans ma manière d'être envers lui. Certes, M. Gazebee m'a plu dès le premier abord. Ses manières sont parfaites, sa conduite envers maman charmante, et quant à moi, loin de se permettre la moindre familiarité, je dois lui rendre justice en disant que, quoique très attentif, il a toujours été très respectueux. Je puis avouer que depuis trois semaines, je me suis douté de ses intentions et peut-être aurais-je dû vous consulter plus tôt comme ma meilleure amie. Mais en vérité, après ce qui m'est arrivé avec M. Moffat, je ne me suis pas senti le courage de vous en parler avant d'être tout à fait sûr des intentions de M. Gazebee. Si vous m'aviez conseillé d'accepter sa demande et qu'après tout il ne l'eût pas faite, je me serais trouvé si ridicule. Mais enfin, il s'est déclaré. Il est venu à moi hier, avant le dîner, dans le petit salon, et m'a dit de la manière la plus délicate et dans des termes que vous-même vous n'auriez pu qu'approuver, que sa plus grande ambition était d'être jugé digne de mon estime, qu'il éprouvait pour moi le plus sincère sentiment et la plus grande admiration. Vous direz peut-être que ce n'est qu'un attornet, je le sais, mais vous l'auriez oublié comme moi, si vous aviez entendu ces expressions délicates. Comme je l'ai vu venir et que je m'attendais un peu à ce qu'il allait me dire, je me suis tenu sur mes gardes. J'ai fait tous mes efforts pour ne pas paraître ému, mais je suppose que je l'étais un peu, car je me suis surprise une fois à l'appeler M. Mortimer. Vous savez qu'il s'appelle Mortimer Gazebee. Je n'aurais certainement pas dû le faire, mais ce n'est pourtant pas aussi mal que si je l'avais appelé Mortimer tout court, n'est-ce pas? Il me semble qu'il n'est pas possible de trouver un plus joli nom de baptême que Mortimer. Pour en revenir à lui, ma chère Amelia, il essaya une fois de me prendre la main de la manière la plus respectueuse, et quand il vit que je ne voulais pas le permettre, il baissa les yeux avec une charmante timidité. Je crois vraiment que vous auriez été contente de moi, quoique la position fût assez embarrassante. Je lui dis naturellement que j'étais flattée de ses sentiments, quoique très surprise de sa déclaration. Que depuis que je le connaissais, je l'avais estimé et apprécié, mais que je n'avais pas, comme la plupart des jeunes filles, le privilège de consulter mes propres inclinations et que dans notre famille, une proposition de mariage devait être d'abord faite à la famille elle-même. Il me répondit que cela était naturel et me demanda s'il pouvait en parler à papa. J'essayai alors de lui faire comprendre qu'en parlant de ma famille, je n'entendais pas précisément papa ni même maman. Il va sans dire que je pensais à ce que je dois au nom des Gresham. Je sais très bien ce que papa dirait. Il donnerait immédiatement son consentement. Ses dettes et l'état de ses affaires lui ont tellement brisé le cœur. Et à dire vrai, Amelia, je crois que maman y consentirait aussi. M. Gazebee ne parut pas comprendre très bien ce que je voulais dire, mais il m'avoua qu'il y avait de l'ambition de sa part à vouloir s'allier avec une famille d'un rang plus élevé que le sien, que cette ambition toutefois ne lui ferait pas demander la main d'une duchesse s'il n'en était pas amoureux. Était-ce franc et galant à la fois? Puis, encouragé par un demi-sourire, il se mit à me parler de sa fortune en regrettant de ne pouvoir me l'offrir plus belle encore. Sa part dans l'office monte déjà à 1000 livres sterling par an et il aura un jour toute la part de son père. Il possède une jolie villa dans le comté de Surrey. J'ai entendu dire à maman que c'est tout à fait une habitation de gentleman. Elle est louée à présent, mais il demeurera quand il sera marié. Ainsi, vous voyez qu'il est aussi riche que M. Auriel, plus riche même. Et du moment qu'un homme a une profession, peu importe, je crois, aux yeux du monde, la nature de cette profession. Il est vrai qu'un pasteur peut devenir évêque, mais je crois avoir entendu parler d'un attorney qui est devenu Lord Chancelier. J'aurai ma voiture, je sais qu'il l'a dit, quoique je ne puisse plus me rappeler comment il a été amené à en parler. Je répondis enfin à M. Mortimer que j'étais tellement prise à l'improviste que je ne pouvais pas lui donner une réponse sur le moment. Comme il partait le lendemain pour Londres, il me demanda la permission de me parler encore à ce sujet à son retour. Vous comprenez que je ne pouvais pas le lui refuser. Je profite donc de son absence pour vous demander conseil. Vous connaissez si bien le monde, et vous pouvez si bien me dire ce que je dois faire dans une pareille position. J'espère que je me suis bien expliqué. Je ne vous parle pas de mes propres sentiments, parce que je désire que vous formiez votre jugement sans les consulter. Si je devais déroger en acceptant la main de M. Gatsby, je ne l'épouserais certainement pas uniquement parce que je l'aime. Si nous ne consultons que nos sentiments, que deviendrait le monde, Amelia? Peut-être mes idées sont-elles exagérées. S'il en est ainsi, dites-le-moi franchement. Quand M. Auriel a demandé la main de Béatrice, personne n'y a trouvé à redire. Cela parut tout naturel. Béatrice dit qu'il est d'une excellente famille, mais tout ce que je puis savoir, c'est que son grand-père était général aux Indes et qu'il en revint très riche. Le grand-père de M. Gatsby était un associé de la maison de Mount Street, ainsi que son bisaïeul, à ce que je crois. Ne pensez-vous pas que cela puisse compter pour quelque chose? D'ailleurs, cette maison n'a affaire qu'avec les personnes les plus aristocratiques, telles que mon oncle de Courcy, le marquis de Kensington Gore ou autres du même genre. Je cite le marquis parce que M. Mortimer Gatsby est chez lui en ce moment. Je sais aussi qu'un Gamson a été membre du Parlement, et je ne sache pas qu'aucun des Auriel l'ait jamais été. Le titre d'attorney ou de procureur sonne certainement très mal, n'est-ce pas, Amelia? Mais il y a des attorney de tout rang, et il me semble que cela devrait être une autre considération en faveur de M. Gatsby. À entendre Mortimer Gatsby parler d'un certain attorney de Barchester, vous diriez qu'il y a autant de différence entre eux qu'il y en a entre un évêque et un desservant de paroisse. Et je pense qu'il en est ainsi en effet. Je ne désire pas, vous disais-je, parler de mes propres sentiments. Mais si M. Gatsby n'était pas attorney, il serait, je crois, le genre d'homme que j'aimerais. Il est parfaitement convenable sous tous les rapports, et si vous ne le saviez pas, vous ne devineriez jamais que c'est un attorney. Mais ma chère Amelia, je m'en remettrai entièrement à votre décision. Il est certainement beaucoup mieux que M. Moffat, et a bien des qualités qui plaident en sa faveur. Comme ex-membre du Parlement et protégé par mon oncle de Courcy, M. Moffat était naturellement dans une toute autre sphère, mais je fus presque heureuse quand il retira sa parole. Avec Mortimer Gatsby, je crois que ce serait différent. J'attendrai votre réponse avec impatience. Écrivez-moi donc immédiatement. J'entends dire quelquefois autour de moi que ces espèces de mariages ne sont plus blâmés comme ils l'étaient autrefois et qu'ils sont considérés comme très comme il faut. Vous comprenez que je ne voudrais pas me rendre ridicule à force d'être difficile. Peut-être que toutes ces fluctuations d'opinion sont blâmables elles-mêmes, et je crois vraiment qu'elles le sont. Mais si le monde change, il faut bien changer avec lui. On ne peut s'insurger contre le monde. Ainsi, écrivez-moi franchement. Ne supposez pas que je déteste M. Gatsby. Je ne pourrais réellement pas dire qu'il en soit ainsi, mais je ne voudrais pour rien au monde contracter une alliance dont un de Courcy eût à rougir. Croyez-moi toujours, ma chère Amelia, votre affectionnée cousine, Augusta Gresham. P.S. Je crains que Frank ne fasse quelque folie avec Mary Thorne. Vous savez qu'il est de la première importance qu'il épouse une femme riche. Il me paraîtrait possible que Mortimer Gatsby siège un jour au Parlement. C'est tout à fait un homme propre à cela. La pauvre Augusta plaidait bien éloquemment la cause de son prétendu, mais elle s'adressait à un cœur de rocher et elle plaidait en vain. Augusta Gresham avait 22 ans et Lady Amelia de Courcy 34. Était-il probable que Lady Amelia permît à Augusta de se marier, si cela dépendait d'elle? Pourquoi Augusta aurait-elle dérogé en épousant un homme d'un rang inférieur au sien, quand Lady Amelia avait passé tant d'années dans le monde sans avoir trouvé nécessaire de le faire? La lettre d'Augusta était écrite sur deux feuilles de papier et les lignes en étaient toutes croisées. La réponse de Lady Amelia ne fut guère moins formidable. Lady Amelia de Courcy à Miss Augusta Gresham, Château de Courcy, juin 1850 et quelques. Ma chère Augusta, j'ai reçu votre lettre hier matin, mais j'ai remis jusqu'à ce soir d'y répondre, ne voulant le faire qu'après mûre considération, car c'est une question dont dépend non seulement votre dignité, mais encore le bonheur de toute votre vie, et rien, sinon une mûre considération, ne pourrait me justifier d'émettre une opinion décidée sur ce sujet. En premier lieu, je vous dirai que je n'ai pas un mot à dire contre M. Mortimer Gazebee. Arrivé à cet endroit de la lettre, Augusta sentit son cœur se troubler. Tout le reste n'était que beau semblant. Elle comprit du premier coup que l'arrêt était contre elle et que son désir de devenir Mrs. Mortimer Gazebee ne serait jamais réalisé. Je le connais depuis longtemps. Je ne doute nullement de ses capacités comme homme d'affaires. La maison des messieurs Gamson, Gazebee et Gazebee occupe la première place parmi les attornés de Londres, et je sais que papa a une très haute opinion de ces messieurs. Tout cela constituerait d'excellentes considérations en faveur de M. Gazebee comme mari, s'il s'était adressé à une personne du même rang que lui. Mais vous, en réfléchissant à cette affaire, vous devriez, ce me semble, la considérer sous un tout autre point de vue. Le fait même que vous le déclarez tellement supérieur à tous les autres notaires prouve le peu de cas que vous faites de cette profession en général. Cela prouve aussi, chère Augusta, que vous sentez parfaitement que ce n'est pas dans cette classe d'individus que vous devriez choisir le compagnon de votre vie. Mon opinion est que vous devriez faire comprendre à M. Gazebee, très poliment cela va sans dire, que vous ne pouvez accepter sa main. Vous me dites qu'il avoue lui-même qu'en vous épousant, il épouserait une femme au-dessus de son rang. N'est-il donc pas évident qu'en l'épousant, vous descendriez à un rang inférieur au vôtre? Je serais bien fâché si cela vous faisait de la peine. Cependant, il vaut encore mieux que vous éprouviez la douleur de surmonter un caprice passager que de prendre un parti qui vous rendrait probablement malheureuse et que quelques-uns de vos amis regarderaient certainement comme déshonorant. Il ne nous est pas permis, ma chère Augusta, de suivre nos inclinations en pareille matière. Comme vous le dites fort bien, que deviendrait le monde si nous ne consultions que nos sentiments? Il a plu à Dieu que le sang le plus noble coulât dans nos veines. C'est un grand bienfait que nous apprécions toutes deux, mais ce bienfait a ses responsabilités comme ses privilèges. La loi interdit à la famille royale toute alliance avec ses sujets. Dans notre cas, il n'y a pas de loi, mais l'honneur n'en parle pas moins haut. Bon sang ne peut mentir. M. Gazebee n'est après tout qu'un attorney, et quoique vous parliez de son bisaïeul, ce n'est pas un homme de famille noble. Vous devez reconnaître qu'une semblable alliance serait regardée par un de Courcy ou même par un Gresham comme une souillure. Ici, Augusta rougit vivement et fut sur le point de se fâcher contre sa cousine. Le mariage de Béatrice avec M. Auriel est bien différent. Quoique, rappelez-vous bien, je ne le blâme ni ne l'approuve. Il peut être bon comme il peut être mauvais. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre des informations sur la famille de M. Auriel. D'ailleurs, Béatrice ne m'a jamais paru comprendre ce qu'elle devait à elle-même sous ce rapport. Mais comme je viens de vous le dire, son mariage est différent. Les ecclésiastiques, surtout les recteurs et les vicaires de paroisse, ont des privilèges que n'ont pas les hommes d'autres professions. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ce serait trop long dans une lettre. Vos sentiments à cet égard vous font grand honneur. Je ne doute pas que si vous consultiez M. Gresham, il ne consentît à ce mariage. Mais cela est justement une raison pour ne pas le consulter. J'aurais grand tort de vous parler défavorablement de votre père, mais il nous est impossible de ne pas reconnaître qu'il a négligé toute sa vie les privilèges de sa position et sacrifié tous les intérêts de sa famille. Pourquoi a-t-il des dettes? Comme vous le dites, pourquoi n'occupe-t-il pas en ce moment le siège que les Gresham ont toujours occupé au Parlement? Bien que vous soyez sa fille, vous ne pouvez vous empêcher de convenir que vous auriez tort de le consulter sur cette affaire. Quant à ma chère tante, je suis convaincu que si elle était bien portante et libre de suivre son propre jugement, elle ne pourrait désirer vous voir mariée au gérant de votre domaine, car, chère Augusta, telle est sa véritable position. M. Gazebee vient souvent ici pour affaires, et quoique papa le reçoive toujours comme un gentleman et l'admette à sa table, il n'est pas dans la maison sur le même pied que les autres convives et amis de la famille. Aimeriez-vous être reçu au château de Courcy de la même manière? Vous me direz peut-être que vous n'en seriez pas moins la nièce de papa. Il est vrai. Mais vous savez combien papa est strict en pareille matière, et vous devez vous rappeler que la femme prend toujours le rang de son mari. Papa est accoutumé à la sévère étiquette de cour, et je suis sûr qu'aucune considération ne pourrait le décider à recevoir le gérant de ses domaines comme son neveu. Le fait est que si vous épousiez M. Gatsby, il serait tenu de renoncer à cette gérance. Supposez même que M. Gatsby entrât au Parlement, ce dont je ne vois guère la probabilité, cela ne ferait aucune différence. Vous devez vous rappeler, ma chère, que je n'ai jamais été l'avocat de votre mariage avec M. Moffat. J'y vais acquiescer pour faire comme maman. Ni la fortune, ni la position ne peuvent racheter à mes yeux la basse extraction. Mais hélas, le monde est rétrograde et, d'après les nouvelles doctrines du jour, une femme de naissance ne se déshonore plus en épousant un homme riche dont la position est ce qu'on pourrait appeler quasi aristocratique. Je voudrais qu'il en fût autrement, mais le fait existe. Donc, votre mariage avec M. Moffat n'était pas déshonorant, bien qu'il ne fût pas satisfaisant sous tous les rapports. Mais avec M. Gatsby, ce serait tout à fait différent. C'est un homme qui gagne son pain honnêtement, sans doute, mais dans une humble position. Vous dites qu'il est très respectable, je n'en doute pas. M. Scraggs, le boucher de Courcy, est aussi très respectable. Vous voyez, cher Augusta, à quoi vous réduisent de pareils arguments. J'admets qu'il est peut-être mieux que M. Moffat sous quelque rapport. Il peut avoir plus de ressources dans la conversation et montrer plus d'habileté et de savoir-faire dans ces mille petits riens qu'apprécient toujours les femmes ordinaires. Mais je suis d'avis que ni vous ni moi, nous ne serions excusables de nous sacrifier pour de semblables motifs. Nous avons de sérieux devoirs à remplir. Il est naturel que les jeunes femmes désirent se marier, et celles qui sont faibles prennent le premier venu. Celles qui ont plus de jugement font une espèce de choix. Mais les plus raisonnables sont peut-être celles qui savent se dominer, elles et leurs caprices, et qui s'abstiennent de toute alliance contraire aux bons principes. Je parle naturellement de celles qui ont du sang noble dans leurs veines. La conduite des autres ne nous regarde pas. Je me flatte que ce que je vous ai dit vous convaincra. Je sais même qu'une petite conversation entre nous suffira pour nous mettre parfaitement d'accord sur ce point. Restez à Greshamsbury jusqu'au retour de M. Gatsby. Aussitôt son arrivée, tâchez d'avoir une entrevue avec lui. N'attendez pas qu'il la demande lui-même. Dites-lui que sa proposition vous avez prise à l'improviste. Dites-lui que vous êtes flatté de sa demande. Et en disant cela, prenez un air très digne, très froid, mais que des raisons de famille vous défendraient de l'accepter, alors même que vous n'en auriez pas d'autres. Après cela, cher Augusta, venez nous voir. Quand nous serons ensemble, vous apprécierez mieux la haute position que vous conserverez en refusant la main de M. Gatsby, et vous regretterez moins vivement ce que ce refus peut vous faire perdre. Votre affectionnée cousine, Amelia de Courcy. P.S. Je suis certainement fâché de ce que vous me dites de Frank, mais depuis longtemps je craignais quelque folie de sa part. J'ai entendu dire dernièrement que Miss Thorne n'est pas même la nièce légitime de votre docteur Thorne, mais la fille d'une pauvre créature qu'il aurait séduite à Barchester. Je ne sais jusqu'à quel point cela peut être vrai, mais je crois que votre frère devrait être mis sur ses gardes. Cela pourrait produire quelque effet. Pauvre Augusta, elle était en vérité bien à plaindre, car tous ses efforts tendaient à concilier honorablement ses principes avec ses inclinations. Elle ne s'était jamais souciée de M. Moffat, et quand elle avait dû renoncer à la brillante perspective pour laquelle sa mère l'avait gagnée à se rendre, il avait été impossible de la plaindre. Mais elle aurait aimé M. Gatsby de l'espèce d'amour qu'il était en son pouvoir d'éprouver. Avec lui, elle aurait été heureuse et respectée. Elle avait écrit sa lettre avec le plus grand soin. Quand M. Gatsby avait sollicité sa main, elle n'avait pu se décider à faire fi du jugement de Lady Amelia et à se marier selon son gré. Lady Amelia avait été le tyran de toute sa vie. Afin d'obtenir la permission de son tyran, elle avait eu recours à toutes ses petites ruses pour démontrer que M. Gatsby, après tout, n'était pas tellement plébéien. Toutes ces ruses n'avaient abouti à rien. Lady Amelia était d'une trop forte trempe pour être si facilement séduite. Augusta ne pouvait servir Dieu et Mammon. Elle devait rester fidèle au Dieu de sa cousine et rester fille, ou servir Mammon et ses propres inclinations et épouser M. Gatsby. En fermant la lettre de Lady Amelia après première lecture, elle fut tentée un moment de se rebeller contre son tyran. Ne pouvait-elle pas vivre heureuse dans cette charmante villa du comté de Surrey, où elle aurait sa voiture, alors même que tous les deux Courcy la renieraient? On lui avait donné à entendre qu'elle n'aimerait pas être reçue au château de Courcy avec la politesse restreinte qu'on croirait devoir montrer à Mrs. Mortimer Gatsby, mais que lui importerait si elle pouvait à tout jamais se passer d'aller au château de Courcy. Mais le courage lui manqua. Il est si difficile de se débarrasser d'un tyran, si facile de plier quand on en a pris l'habitude. Une troisième lettre fut donc écrite et vint terminer la correspondance. Miss Augusta Gresham à Lady Amelia de Courcy, Greshamsbury, juillet 1850 et quelques. Ma bien chère Amelia, je n'ai pas encore répondu à votre lettre, pensant qu'il valait mieux attendre le retour de M. Gatsby. Il est revenu avant-hier, et hier je me suis conformé, autant que cela m'a été possible, à vos conseils. Après tout, cela vaut peut-être mieux. Comme vous le dites, le rang a ses responsabilités aussi bien que ses privilèges. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites à propos des ecclésiastiques, mais nous parlerons de cela quand nous nous verrons. Dans le fait, il me semble que si l'on est si difficile au sujet de la naissance, et je suis d'avis qu'on le soit, on devra l'être sans exception. Si M. Auriel n'est qu'un parvenu, les enfants de Béatrice ne seront pas de bonne famille, uniquement parce que leur père était un ecclésiastique ou même un recteur. Depuis ma première lettre, j'ai appris que le père du trisaïeul de M. Gatsby avait fondé la maison d'affaires de Mount Street et les nombres de personnes qui n'étaient rien alors et qui passent aujourd'hui pour avoir du sang noble dans leurs veines. Mais je ne dis pas cela parce que je diffère de votre manière de voir. Au contraire, je la partage tellement que je me suis tout de suite décidé à refuser la main de M. Gatsby. Quand je lui ai dit que des raisons de famille m'empêchaient de l'accepter, il m'a demandé si j'en avais parlé à papa. Je lui ai répondu négativement, en ajoutant que cela ne servait à rien puisque ma détermination était déjà arrêtée. Je ne crois pas qu'il m'ait tout à fait comprise, mais cela ne fait rien. Vous m'avez dit d'être très froide et je crois qu'il a dû me trouver moins gracieuse qu'avant. Je crains même d'avoir paru lui donner trop d'espoir la première fois qu'il m'a parlé. Quoi qu'il en soit, tout est fini maintenant. » Et ici Augusta ne retint pas sans peine la larme qui faillit s'échapper de ses yeux. Je ne rougis maintenant pas de vous avouer que j'aimais un peu M. Gatsby. Il me semble que son caractère m'aurait convenu, mais je suis convaincu d'avoir agi pour le mieux. Il a essayé de me faire revenir sur ma résolution, mais j'étais ferme. Je dois dire qu'il s'est parfaitement conduit. Je crois qu'il m'aimait sincèrement, mais je ne pouvais sacrifier des considérations de famille à ce sentiment. Oui, Laurent a ses responsabilités aussi bien que ses privilèges. Je m'en souviendrai toujours. Je sais que papa m'aurait conseillé d'épouser M. Gatsby, ainsi que maman, Franck et Béatrice, s'ils se fussent doutés de mon affection pour lui. Cela ne serait pas si pénible si nous pensions tous de même à cet égard, car il est dur pour moi d'avoir toute la responsabilité de cette affaire. Mais j'irai vous voir et vous me consolerez. Je me sens toujours plus forte sous ce rapport à Courcy qu'à Greshamsbury. Nous causerons de tout cela et je serai de nouveau heureuse. Je me propose de partir vendredi, si ce jour vous convient, ainsi qu'à ma chère tante. J'ai dit à maman que vous désiriez tous me voir, et elle n'a fait aucune difficulté. Répondez-moi à l'être vu, chère, bien chère Amelia, car vos lettres vont être mon unique consolation. Votre toujours affectionnée et obligée, Augusta Gresham. P.S. J'ai dit à maman ce que vous me dites au sujet de Mary Thorne, et elle m'a répondu « Oui, je suppose que tout le monde le sait maintenant. » Mais si tout le monde le savait, cela ne ferait rien à Frank. Elle paraissait très fâchée. Vous voyez donc que c'est vrai. Au risque d'anticiper sur les derniers événements de notre histoire, il vaut peut-être mieux terminer ici celle des amours de M. Gatsby. Soit que Mary meure le cœur brisé, soit qu'elle accomplisse une destinée moins lugubre, nous trouverions difficilement l'occasion, dans notre dernier chapitre, de parler de M. Mortimer Gatsby et de son aristocratique épouse. Car en dépit des doctrines prêchées si éloquemment par Lady Amelia, il réussit enfin à obtenir une épouse dans les veines de laquelle coulait le noble sang des deux Courcy. Ainsi que l'avait dit Augusta sa cousine, il ne l'avait pas très bien comprise. D'après la manière dont elle avait reçu sa première proposition, il s'était cru autorisé, et non sans juste cause, à croire qu'elle l'aimait et qu'elle l'accepterait. La seconde entrevue l'avait donc passablement étonné. Il était revenu à la charge et avait demandé la permission de s'adresser à M. Gresham. Mais Augusta avait montré beaucoup de fermeté et de guerre lasse. Il s'était retiré. Augusta était partie pour le château de Courcy et avait reçu de sa cousine les consolations et l'encouragement dont elle avait si grand besoin. 4 ans plus tard, lorsque Béatrice attendait la naissance de son second enfant, et que chacune des sœurs jumelles avait son fiancé, M. Mortimer Gazebee se rendit pour affaire au château de Courcy. Nul doute qu'il n'y fût très bien reçu et qu'il ne fût admis à la table du noble comte. Nous savons déjà par Lady Amelia que Lord de Courcy, avec sa bonté accoutumée, lui accordait ses privilèges. Espérons qu'il n'en abusa jamais. Mais en cette occasion, M. Gazebee prolongea plus que de coutume son séjour au château, et de singulières rumeurs commencèrent à circuler à ce sujet dans la petite ville. Aucune des filles du comte de Courcy n'avait encore trouvé un époux. Nous pouvons supposer que les aigles trouvent difficilement à s'allier quand ils deviennent rares dans leur localité, et nous savons tous combien il a été quelquefois difficile en Angleterre de trouver des maris comme il faut, quand les princesses protestantes étaient plus ou moins nombreuses. C'était sans doute en raison de semblables difficultés que la comtesse de Courcy était encore entourée de tout son essaim de filles. Le rang a ses responsabilités aussi bien que ses privilèges, et les responsabilités de ces jeunes personnes paraissaient avoir consisté à rejeter tous les prétendants qui avaient pu s'agenouiller devant elles. Mais enfin, on put dire tout bas à Courcy qu'un prétendant s'était agenouillé et ne s'était pas agenouillé en vain. De Courcy, la rumeur circula jusqu'à Barchester et de là jusqu'à Greshamsbury, où elle étonna les habitants et fit battre un pauvre cœur avec une violence qui eût fait pitié, si l'on eût pu s'en douter. Le prétendant en question était M. Gazebee. Oui, M. Gazebee s'était adjugé plusieurs privilèges indépendamment de celui de dîner à la table du comte. Il montait à cheval avec les jeunes ladies, et elle lui parlait toutes avec familiarité devant le monde, toutes, excepté Lady Amelia. La comtesse elle-même l'appelait Mortimer et le traitait comme un membre de la famille. Arriva enfin une lettre de la comtesse à sa chère sœur Lady Arabella. Après beaucoup de préliminaires plus ou moins ambigus, cette lettre annonçait que Mortimer Gazebee, dont une longue expérience avait démontré les éminentes qualités, allait être reçu dans le sein de la famille de Courcy. Dans 15 jours, à dater de ladite lettre, il était destiné à conduire à l'hôtel Lady Amelia. La comtesse ajoutait que sa chère Amelia n'écrivait pas elle-même, attendu qu'elle était trop préoccupée de ses futurs devoirs, devoirs dont elle comprenait sans doute les responsabilités aussi bien que les privilèges. Mais elle avait prié sa mère de demander que les deux sœurs jumelles lui servissent de demoiselle d'honneur en cette occasion. Sa chère Augusta, elle le savait, était trop occupée de l'événement qui se préparait dans la famille de M. Auriel pour pouvoir assister à son mariage. M. Gazebee fut donc admis dans la famille de Courcy. Il conduisit Lady Amelia à l'hôtel et les sœurs jumelles y représentèrent comme demoiselles d'honneur. Mais ce qui en dit bien davantage en faveur de la nature humaine, c'est qu'Augusta pardonna sa cousine et qu'après un certain laps de temps, elle alla lui faire une visite dans cette charmante maison de campagne où elle avait espéré autrefois se fixer elle-même un jour. C'eût été en effet une charmante habitation, pensait-elle, si Lady Amelia n'eût pas été si économe. Nous pouvons présumer qu'il y eut entre elles une petite explication. S'il en fut ainsi, Augusta goûta les raisons de sa cousine et s'avoua pleinement satisfaite. Elle avait toujours cédé à Lady Amelia. Il l'aimait de cette amitié qui tient tout à la fois de la crainte et du respect. Elle eût tout accepté plutôt que de se quereller avec sa cousine Amelia. Et M. Gazebee ne fit pas précisément un mauvais marché. Il ne reçut pas un shilling en dot, il est vrai, mais il ne s'y était pas attendu. Il n'en avait pas non plus besoin. Ses ennuis ne provinrent que de l'économie exagérée de sa noble épouse. Elle prétendait que puisqu'elle avait épousé un homme pauvre, M. Gazebee n'était pourtant pas si pauvre. Il convenait qu'elle tînt sa maison avec économie. Un mariage comme celui qu'elle avait fait, c'est du moins ce qu'elle dit en confidence à Augusta, avait ses responsabilités aussi bien que ses privilèges. En somme, M. Gazebee n'eut pas à se repentir. Quand il invitait ses amis à dîner, il pouvait leur dire que Lady Amelia Gazebee serait charmée de les voir. Son mariage lui donne un certain relief dans son club. Il a sa part des produits de la chasse de Courcy. Il est invité à Greshamsbury et dans d'autres maisons de Barsetshire, non seulement à s'asseoir à la table de ses hôtes, mais encore à partager avec eux les plaisirs que la vie de campagne peut offrir. Il vit dans l'espérance que son noble beau-père lui facilitera un jour son entrée au Parlement.